Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire John Wayne, le cow-boy plus grand que nature. You're the notorious Ringo Kid. My friends just call me Ringo. Nickname I had as a kid. Right name's Henry. C'est en jouant le personnage de Ringo Kid dans le film de John Ford, La Chevauchée Fantastique, en 1939, que la carrière de John Wayne décolle vraiment. Au fil de sa longue et de sa riche collaboration avec John Ford, John Wayne va en venir graduellement à incarner le parfait stéréotype du personnage du cow-boy américain qui n'a peur de rien ni de personne, qui ne doute de rien non plus et surtout pas de lui-même, et qui n'hésite pas à tuer lorsqu'il l'estime juste et nécessaire. On s'est lié d'amitié. Quelle sorte d'homme c'était? Parlez-nous un homme. Moi, je sais que John Wayne a été tellement vilipendé, mal interprété. C'est l'image du redneck, l'ultra-conservateur, de la brute. C'est ça, John Wayne. Mais John Wayne, c'est justement ça. Comme ça qu'il est perçu. Il est perçu comme ça. Et malheureusement, il est perçu comme ça après avoir fait un navet épouvantable qui s'appelait The Green Berets. Les bérets verts. C'était le Sylvester Stallone de son époque. C'était plus que ça. C'était John Wayne American. C'était John Wayne représentait les valeurs de, l'Amérique, c'est-à-dire vraiment l'initiative, le travail acharné. These are men. Sur la musique du film de John Wayne, Les Bérets Verts, vous entendiez l'acteur québécois Daniel Pilon parler de John Wayne, avec qui il a travaillé, de qui il est devenu l'ami, extrait de l'émission Pierre Nadeau Rencontre du 15 août 2002. Pour nous faire le portrait de John Wayne, j'accueille Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à notre radio et à notre télévision, également co-auteur du Dictionnaire du cinéma québécois. Michel Coulombe, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il incarne? Parlons de ce géant, de ce personnage. Qu'est-ce qu'il incarne, John Wayne, au cinéma hollywoodien? C'est le grand cow-boy. Hein, c'est une figure de référence qui se présentait comme ça, un homme droit, juste, carré dans ses bottes, qui veut pas se battre, mais s'il doit se battre. Donc, il avait cette image. Aussi, l'homme blanc à la conquête de l'Ouest, qui prend un territoire parce qu'il en a besoin, qui n'hésite pas à prendre les armes. Et donc, quelqu'un qui est une référence dans la culture américaine, parce que sa carrière s'étend de la fin du cinéma muet, de petits rôles, aux années 70. Et encore aujourd'hui, effectivement, on peut se référer à lui parce que c'est le grand cow-boy. Une icône, il n'y en a pas beaucoup, mais il fait partie des quelques icônes américaines. Oui, parce qu'il y a une coïncidence entre les rôles et la personne. Ouais. Hein, il n'a pas fait que des westerns, mais on retient beaucoup les westerns. Quand on pense cow-boy, c'est pour toute une génération l'image de John Wayne qui vient à l'esprit. Et vous le dites, c'est fascinant parce qu'effectivement, il y a une symbiose, il y a une correspondance. John Wayne, au fond, c'est lui-même ce cow-boy américain, conservateur, patriote. Quand on regarde son parcours, quand on examine ce qu'il pense, c'est lui-même un cow-boy. Oui, ça correspond à ses valeurs. Hein. C'est un homme qui, quand même, au départ, votait démocrate, qui est devenu républicain, qui est devenu de plus en plus patriote. Mais il faut dire que les rôles aussi ont contribué à le déterminer. Il a fait, bon, il faisait 1m93, donc il avait une certaine stature. Il va arriver par hasard en cinéma et donc il va faire des rôles de militaire, des rôles ouais. de cow-boy, de boxeur, d'homme dur. Le physique détermine beaucoup. Hein. Il n'a pas jamais fait un intellectuel tourmenté, une victime. Non, c'était un homme valeureux. Lui disait, les gens qui vont au cinéma, ils vont là pour de l'héroïsme. Mm-hmm. Et lui, c'est ce qu'il vendait. Ouais. Avec une façon de jouer bien à lui. Hein. Il disait, il faut parler lentement, il faut parler peu, il faut parler bas. Donc, il établissait cette image de l'homme taiseux qui s'exprime avec son arme au besoin. Ouais. Donc, il représentait ce type d'Amérique. Parce qu'au départ, c'est quelqu'un qui aurait fait carrière dans le football. Il a eu une blessure à l'épaule. Il était à l'université. Donc, il est allé sur des plateaux. Et puis, il était accessoiriste, peintre, menuisier. Faisait toutes ces choses-là, on l'a remarqué. Et il va faire figuration, petit rôle. On va, comme ça, l'amener dans le monde du cinéma. Mais encore une fois, ce qu'il incarne, il y croit. Ses grands-parents, je pense, sont eux-mêmes des pionniers qui peuvent se retrouver dans certains de ses films, des pionniers qui partent à la conquête de l'Ouest, chassés de l'Indien. C'est ça son ADN, au fond, ses origines. Correspondance entre sa vie et effectivement son cinéma. Très jeune, hein, son père ayant eu des problèmes de santé, ils se sont repliés du côté d'une ferme. Le père était pharmacien et il va, à l'âge de 7 ans, monter à cheval et puis prendre une arme parce qu'il fallait s'occuper du bétail. Ouais. Et devenir cow-boy. Il vit dans un ranch. Dans un ranch. Ça ne durera pas très longtemps, mais ce sera donc des talents qu'il mettra par la suite à contribution. Ouais. Et puis, il glisse, vous le disiez, beaucoup par sa carrure. On le repère. Il fait des petits métiers sur des plateaux, mais il devient graduellement acteur. Il va jouer beaucoup, Michel, une dizaine d'années avant que ça décolle vraiment. Ça nous dit quoi sur l'acteur qu'il est? Qu'au départ, ce n'est pas un acteur. Ouais. Hein, c'est un accessoiriste, menuisier, homme à tout faire, quelqu'un qui est là, qui a un beau physique, qui est grand. Donc, on lui dit, tiens, tu pourrais faire telle chose, faire telle autre. Et puis, il va suivre le mouvement. Raoul Walsh va lui donner quand même un rôle important au début des années 30, mais ça n'aura pas de suite parce que le film ne sera pas un grand succès. Donc, il va faire des séries B. Et puis, simplement surfer sur cette vague-là. Il est là dans un studio et puis on l'engage, on l'envoie dans un autre studio, on l'engage aussi. Ouais. Puis, il gagne sa vie. Il va être rapidement quand même père de famille. Donc, les choses se passent simplement comme ça. Le vedettariat n'est pas une chose qui le détermine. Bien sûr, ça va se produire. C'est en 1939 avec La Chevauchée fantastique. Mais quand il arrive là, il a tourné beaucoup de séries B. Et ça, c'est un problème pour un acteur à être associé à cette période-là, donc à la série B. Ce n'était pas les stars qui étaient de ce côté-là. Ça voulait dire qu'on faisait des films sans importance, avec des rôles pas très exigeants. Jusqu'au jour où, effectivement, John Ford, qui avait travaillé avec lui à la période du muet, il s'était déjà un peu coltaillé, parce qu'il avait des rapports tendus. Hein. Il avait un fou rire sur un plateau. Ford l'avait chassé en disant « Non, mais c'est n'importe quoi », puis il l'avait ramené. Ils auront ce rapport-là toute leur vie. Donc, Ford va faire appel à lui pour La Chevauchée fantastique. Et là, c'est très particulier parce qu'en fait, il lui donne le scénario à lire en lui disant « Bon, je pense à ce film là, et puis je cherche un acteur et tout. » Et l'autre lui a suggéré, John Wayne lui a suggéré quelqu'un d'autre. Ah bon? Et il lui a dit, mais il avait amené donc sur son bateau pour avoir cette conversation. C'était clair qu'il lui offrait le rôle. Et Ford le dit. Donc une candeur chez Wayne. Oui, parce que sa carrière ne décollait pas. Et Ford lui a dit, quel imbécile. Ouais. Non, mais t'as pas compris. Là. Ouais. Je t'offre le rôle. Le studio préférait à ce moment-là Gary Cooper. Et il va miser effectivement sur John Wayne. Et ça va changer le cours de la carrière de Ford, le cours de la carrière de Wayne, mais aussi le sort du western, parce que le western était plutôt mal perçu dans les années 30 et dans les années 40, aux États-Unis, il s'en fera plus de 1000. Ouais. Donc, effectivement, il y aura un essor du western dû à cette chevauchée fantastique. Et ça aura quelle importance, au-delà du film, évidemment, le film, c'est ce qui lance vraiment la carrière de John Wayne, mais vous le disiez, les deux hommes se nourrissent, s'apportent mutuellement quelque chose. De quelle manière ils seront importants l'un pour l'autre? Ils ont un rapport assez particulier parce qu'ils vont faire 18 films ensemble, 9 westerns, donc 9 autres films, mais Wayne a souvent dit que Ford était le seul qui pouvait lui donner des ordres, des consignes. Alors, Ford lui disait, ben voilà, tu viens ici, tu fais ça, et il suivait. Ouais. Alors, il disait, bon, il me dit l'heure, il me dit l'endroit, il me dit comment m'habiller, et je m'y rends. Et c'est comme ça que ça se produisait. Effectivement, Ford était plutôt colérique, l'autre, bon... avalait et suivait ses ordres. Il lui arrivait, par exemple, à Ford de dire à John Wayne qu'il avait des problèmes d'alcool, « T'as trop bu, tu rentres à la maison, quand tu seras mieux, tu reviendras. » Et l'autre, bien sagement, répondait à ses consignes. Aussi, Ford a constaté que bon, son registre d'expression n'était pas très développé. Hein, c'était plutôt bon, l'homme fermé, donc un visage impassible. Il lui a dit, bon, on va faire un truc. Tu vas soulever les sourcils et plisser le front. Ouais. Pour constater que toute sa carrière, quand il aura quelque chose à exprimer, surtout face à une femme, il va soulever les sourcils et plisser le front. Il a trouvé là son expression parfaite. From the thrilling pages of life rides a man you must fear and respect. A man whose unconquerable will and boundless determination carved a lusty, rough, and boisterous slice of history called The Searchers. It's John Wayne as Ethan Edwards, who had a rare kind of courage. The courage that simply keeps on and on, far beyond all reasonable endurance, never thinking of himself as martyred, never thinking of himself as brave. So we'll find him in the end, I promise you. Let's go! Extrait de la bande-annonce du film de John Ford, La prisonnière du désert, réalisé en 1956. On a dit de ce film-là, Michel Coulombe, que c'était le meilleur western de tous les temps. Pourquoi? La prisonnière du désert, ouais. Mais parce que c'est un grand film. C'est donc une histoire de vengeance. Un homme, donc ce Ethan, et d'ailleurs il donnera le nom de Ethan à un de ses fils, hein, en souvenir de ce film, John Wayne, un homme constate à son retour de la guerre de sécession que ben, voilà, la famille de son frère a été décimée et il part à la recherche de ses nièces. L'une a été tuée et l'autre a été capturée par les Comanches et donc est devenue elle-même une squaw. Et donc, il va la récupérer et la ramener. Et c'est donc cet homme qui n'a pas de sentiment, enfin, pas d'état d'âme face aux situations. Il doit faire ce qu'il doit faire. Mmh. Donc, il est là sur son cheval avec sa bande et il doit remplir sa mission. Vous savez, quelqu'un qui est vraiment... mené par son destin, ouais. C'est ce qu'il doit faire. Et donc ça, dans les paysages, hein, faut dire que John Ford a beaucoup filmé Monument Valley, par exemple. Donc ces paysages de référence du western, avec cet homme qui a un destin, une mission à remplir. Et cette finale, extraordinaire, parce qu'il rend Natalie Wood donc à sa famille. Bon, ça lui plaît pas tellement, elle est devenue indienne, et ça, pour lui, ça valait aussi pour John Wayne. Ouais. Mais pour le personnage, bon, c'est pas son truc, il comprend pas trop, il en a vraiment contre les Indiens. Mais donc, il la rend à sa famille, et il repart dans le lointain, seul, disparaissant dans le paysage. C'est vraiment l'image même du cow-boy, avec des enjeux dramatiques très forts. C'est l'exemple parfait, l'objet western dans sa perfection. Il tourne beaucoup avant de devenir une vedette, on le disait. Il continue de tourner beaucoup et de rapporter gros pendant des années et des années avant de recevoir finalement un Oscar en 1970, l'Oscar du meilleur acteur. The winner is John Wayne in True Blood. Ladies and gentlemen, I'm no stranger to this podium. Mesdames et messieurs, je ne suis pas étranger à ce podium. Je suis déjà venu ici pour recueillir ces beaux trophées dorés, mais toujours pour des amis. But always for friends. But tonight I don't feel very clever, very witty. Ce soir, je ne me sens pas très intelligent ni très spirituel. Je me sens plutôt très reconnaissant, très humble, et j'ai envie de remercier beaucoup de gens. And all thanks to many, many people. I want to thank the members of the Academy. Je tiens d'abord à remercier les membres de l'Académie. et à vous tous qui nous regardez à la télévision. Je vous remercie de votre chaleureux intérêt pour notre glorieuse industrie. Thank you for taking such a warm interest in our glorious industry. Good night. Ce n'est qu'en 1970, donc, que John Wayne sera pour la première fois récompensé d'un Oscar, Michel Coulombe. Pourquoi pour ce film, pour son rôle dans True Grit, et pourquoi une reconnaissance si tardive? D'une part, il faut dire que c'est un grand rôle. D'ailleurs, les frères Coen ont refait True Grit récemment. Effectivement, ce personnage-là, ce borgne, est un beau personnage. Hein. Ça, on pouvait le constater. Mais il y a aussi de la culpabilité. Un si long parcours, être passé à côté, c'est fréquent aux Oscars. Hein, qu'on donne finalement pas forcément pour le film où l'acteur l'aurait mérité. Ouais. Mais on n'était pas au rendez-vous au bon moment. Donc, on se rattrape. Et puis, en désaccord avec les gens qui s'occupaient de sa promotion, à partir de 1964, il faut le dire, John Wayne a fait un choix, aller sur la place publique et dire « je suis atteint du cancer ». Donc, il était ce géant malade, atteint d'un cancer du poumon. Il mourra d'un cancer de l'estomac. Il fumait 6 paquets par jour. Alors, pour cancer du poumon, on peut comprendre. Ouais. Mais ça a été associé à un incident sur un de ses tournages où il était sur un plateau près d'un centre d'essai nucléaire et plusieurs personnes de cette équipe auraient effectivement eu le cancer. Donc, il y avait une forme de sentimentalisme à son endroit à ce moment-là. Un homme atteint du cancer qu'on a oublié toutes ces années dans un grand rôle, il y en aurait-il encore plusieurs? Ouais. Et il y en aura quelques-uns, effectivement, puis on parlera de son dernier film dans un instant, mais un tout petit mot, une petite parenthèse, parce que il sera réalisateur, mais il ne réalisera que deux films, dont les fameux Bérets Verts, dont on entendait un extrait au début, l'extrait de la musique. Que dire de ces Alamo, en 1960, et les Bérets Verts, en 67. Deux films patriotiques. Le premier, Alamo, où il joue Davy Crockett, et où il refait un peu l'histoire du Texas, avec une grande déclaration d'amour à la République. Le film travestit un peu l'histoire pour soutenir ses valeurs à lui. Hein. C'était une déclaration de sa part. L'autre, Les Bérets Verts, qui sera, contrairement à Alamo, un succès, mais qui lui vaudra effectivement les foudres, c'est ce que M. Pilon disait tout à l'heure, d'une bonne partie effectivement d'Hollywood, parce que ces gens-là, à Hollywood, ne soutenaient pas la guerre du Vietnam. Le film était effectivement un appel aux armes et défendait cette décision des États-Unis d'aller en guerre au Vietnam. Là, il sera ce grand guerrier. C'est l'essence même de sa carrière. Jouer des cow-boys, jouer des soldats, jouer des boxeurs aussi. Parce qu'il a fait ça, vous savez qu'il a même fait de la boxe lui-même, pensant à un certain moment que sa carrière allait nulle part. Il s'est dit dans les années 30, je pourrais être boxeur. Un mot sur son dernier film, celui qu'il tourne en 1976, Le dernier des géants, qui est au fond son propre mythe qu'il incarne à l'écran. Oui. Là, c'est un cow-boy vieillissant et atteint du cancer, Le dernier des géants. On ne peut pas terminer sur un film plus emblématique. Je pense que c'était du sur-mesure. C'était des adieux très nets au cinéma. D'ailleurs, il fera ses adieux aux Oscars parce qu'il ira remettre la statuette du meilleur film. Il dira c'est la meilleure médecine qu'on puisse m'offrir, effectivement, que d'être là et d'avoir ses pairs qui l'applaudissent. Mais à la fin de sa vie, il s'était beaucoup braqué sur le plan patriotique. Il était une telle incarnation des États-Unis que Staline avait envoyé des agents du KGB aux États-Unis. Ils seront interceptés par le FBI pour l'assassiner. Ça vous donne une idée. Telle figure patriotique que le Parti républicain a songé à lui, à la présidence. Incroyable. Il disait, un acteur, non, c'est pas vraiment possible. Il y aura Ronald Reagan. Et à cette période-là, début des années 70, donc, il va aussi sur la place publique être celui qui enregistre des textes patriotiques, gagnera un Grammy, qui anime une émission de télévision où il défend les valeurs américaines. La période du McCarthyisme a été pour lui une période assez importante, où il a traqué les ennemis des États-Unis. Un mot sur son héritage, on va parler de ses héritiers dans un instant, mais juste avant, quelqu'un qui pourtant a tout pour lui ressembler, il y a une filiation, c'est son héritier Clint Eastwood. Écoutez-le, parce que John Wayne va développer une haine, j'allais dire une inimitié, c'est plus que ça, à l'endroit de Clint Eastwood. Écoutez, c'est extraordinaire cet extrait, Clint Eastwood qui parle de ça à l'émission Actor Studio en 2003. I remember Don Siegel got in trouble when he was doing a film called The Shootist. Je me souviens que le réalisateur Don Siegel s'était retrouvé dans le pétrin en tournant le film The Shootist. Au cours d'une scène, le personnage du bandit se faufilait dans une pièce et John Wayne devait le surprendre en apparaissant derrière lui. Siegel lui a alors dit de tirer sur le bandit. Mal à l'aise, Wayne lui demande « Tu veux dire que je lui tire dans le dos? » Siegel répond « Bien sûr, parce qu'après, d'autres bandits vont arriver et tu dois t'en débarrasser. » Alors Wayne lui répond « Je ne tire personne dans le dos. » I don't shoot anyone in the back. And Don made a terrible error. He said Clint Eastwood would have shot him in the back. À ce moment, Don Siegel a commis une erreur irréparable et rétorque à John Wayne, Clint Eastwood, lui, l'aurait tiré dans le dos. John Wayne est alors devenu bleu de colère et a dit, « Je me fous de ce que ce genou aurait fait. Moi, je ne tire personne dans le dos. » And he said, « I don't care what that kid would have done. I don't shoot him in the back. » C'est absolument extraordinaire, cet extrait. Ça en dit beaucoup, d'abord, sur évidemment la haine qu'aura Wayne pour Clint Eastwood. Et ce qui est paradoxal, c'est que je le disais, mais ça aurait pu être son fils, en quelque sorte. Il y a vraiment une filiation dans ce qu'ils sont au cinéma. Mais évoquons deux incidents. D'abord, au début des années 70, John Wayne convoite le rôle de Dirty Harry. Il a, lui, 63 ans. Clint Eastwood a le début de la quarantaine. Le personnage, en fait, aurait fin de cinquantaine. Et c'est Clint Eastwood qui obtient le rôle. Déjà, ça va ouais. pas très bien. Par ailleurs, Clint Eastwood, qui, lui, sentait cette filiation, disait « Ben voilà, je suis le grand cow-boy des années 60-70, puis ça va se poursuivre. Bon, j'aimerais faire un film avec John Wayne. » Il lui a écrit une lettre et l'autre lui a répondu en lui disant « J'ai vu votre dernier film, c'est pas terrible. Ça s'est donc arrêté là. Ouais. » Donc, il y a eu un geste de la part du plus jeune et le plus âgé était braqué sur ses positions, mais à la fin de sa vie, il était très braqué sur ses positions. Ouais. Ça l'amènera, par exemple, à donner une entrevue assez effrayante, il faut le dire, au magazine Playboy, où il va s'en prendre un peu à tout le monde, les Afro-Américains, dont il va dire, ben voilà, vu leur niveau d'éducation, franchement, on va pas leur donner plus de responsabilités. Quand ils seront un peu mieux, on ira vers autre chose. Ouais. Les Amérindiens, en disant, ouais, bon, on dit qu'on leur a pris leur territoire, faut quand même pas exagérer, il y en avait tellement, faut pas être égoïste. Les gens qui bénéficiaient des programmes sociaux, qui étaient des paresseux, ils pouvaient travailler, est-ce qu'ils pourraient pas? Vous voyez, son patriotisme, c'était aussi une forme de rigidité. Conservateur. Très conservateur. Et ça va l'éloigner de toute la nouvelle génération dans les fin des années 60, début des années 70, qui est Peace and Love, qui est contre la guerre du Vietnam. Pour ces gens-là, il sera l'incarnation, effectivement, de ce qu'on déteste. Compte tenu de ce côté très sombre, très idéologiquement à droite de John Wayne, qu'est-ce qui reste de lui aujourd'hui, de cette figure à Hollywood, Michel Coulombe? Je vous dirais, au nombre de chaînes de télévision qu'il y a, il reste des films qui sont là tous les jours. 170 films, là, il y en a constamment sur toutes les chaînes. Donc, c'est une référence en termes de western, de classique du western, des années 30 un peu, mais surtout les années 40, 50, 60. Ouais. Là, vraiment, c'est un patrimoine important. C'est une figure d'Hollywood, de l'âge d'or d'Hollywood, parce que c'est quelqu'un qu'on a fabriqué. Mm-hmm. Il s'appelait pas Wayne, il s'appelait Morrison. C'est le nom d'un général. On lui a dit, tiens, voilà, ça serait bien pour toi. Et puis John, ça fait américain. Hein, ça serait... Vous voyez, on lui avait fabriqué une biographie aussi quand on l'a lancé. Donc, c'est une référence lointaine dans la culture américaine, mais je crois aussi incontournable. Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à la radio et à la télévision de Radio-Canada. Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.